Audiomatique. Held my dream amorcer la transmission 5-5-5 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter le groupe français Von Magnet de son 8e album intitulé Archipelagos, paru en 2012. Nous écoutions la chanson Your Slave. C'est avec le projet Tomographia Asial Computerizata, souvent abrégé par TAC, T-A-C, que nous poursuivons sans attendre la transmission d'Audiomatique. Thank you. À Audiomatic, nous venons tout juste d'entendre la composition de Stranger du groupe péruvien Registros Acasicos. Celle-ci se retrouve sur le premier album intitulé Mariana, paru en 2014. Avant Registros Acasicos, on écoutait le projet italien Tomografia Asial Computerizzata et sa pièce Blood Will Run apparaissant sur l'album intitulé La Nouvelle Art du Deuil, album auquel participent notamment Angelo Bergamini et Emiliana Lo Jacobo de la formation Kirlian Camera. Cet album de TAC, T-A-C, abréviation pour Tomografia Asial Computerizzata, est sorti en 1995. Audiomatic se poursuit maintenant avec le duo français Twinkle. You're hearing everything. Thank you. Il s'agissait à Audiomatic du duo français Two Kilos and More, de son album Exant, sorti en 2020. Il nous en présentait la pièce Decibels, sur laquelle on peut entendre Black Sifichi. Et pour amorcer cette séquence, il s'agissait d'un autre duo français, cette fois-ci du nom de Twinkle, de qui on entendait la pièce La Victime Volontaire, qui apparaît sur son seul album studio, Le Jouet, qui a été lancé en 2007. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique du groupe Bauhaus. Hidden in the dashboard, the unseen mechanized eye, under surveillance, the road is full of cat's eyes, a sick function to prime. Thank you. Cette séquence musicale à Audiomatic se concluait sur la musique du groupe New Age Steppers. De l'album homonyme sorti en 1981, nous écoutions la pièce Private Armies. Avant New Age Steppers, c'était la formation britannique A Certain Ratio et sa composition Forced Laugh tirée de l'album To Each, également publié en 1981. Et pour amorcer la séquence, c'était le groupe Baus et sa pièce The Spy in the Cab, apparaissant sur le premier album In the Flat Field, sorti en 1980. En conclusion de cette transmission 5-5-5 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre l'artiste français Lynn Goof. De son album Fréquence sensible paru en 2014, nous diffuserons la pièce Plaisir d'amour. La transmission 5-5-6 d'Audiomatic sera diffusée mercredi prochain dès 17h en direct du studio de C'est fou 89.1 FM avant d'être rendue accessible sans contrainte spatio-temporelle à travers les archives numériques d'Audiomatic, dont une des portes d'entrée se trouve sur notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Voici donc Lynn Goof et la pièce Plaisir d'amour. C'était Audiomatic avec les sonoristes. savait rien de l'amour. Et toutes ses tentatives avaient été d'effroyables échecs. La langue de l'amour était un mystère qu'il avait renoncé à comprendre. Si seulement il existait une équation mathématique pour l'amour. Mais l'amour n'était pas comme le Rubik's Cube de Max. Il n'y avait rien à résoudre. Se retrouver en hôpital psychiatrique. Une part de lui, il ressentait l'amour, mais était incapable de l'exprimer. On lui diagnostiqua une grave dépression. Ils le firent mariner dans un cocktail médicamenteux et lui firent subir les procédures thérapeutiques habituelles. Quelque chose à te dire qui expliquera pourquoi je n'ai pas écrit. À chaque fois que j'ai reçu une de tes lettres, j'ai eu une grave crise d'angoisse. À la main, j'écris mal. Je suis hypersensible. Maladroit. Il m'arrive d'être très inquiet. Les gens me trouvent souvent grossier et mal élevé. Je ne comprends pas comment le fait d'être honnête peut être déplacé. J'ai du mal à exprimer mes émotions. J'aimerais arriver à pleurer correctement. Je sais que l'amour t'angoisse, alors je ne m'étendrai pas sur le sujet. Pas à comprendre pourquoi c'était lui qu'on trouvait bizarre, alors que tous les autres étaient jugés normaux. Je n'arrive pas à m'exprimer très clairement à l'instant présent. Et je vais donc énumérer mes émotions dans l'ordre de leur intensité. Tête troublée et embrouillée à la fois. Je sais pas si je dois continuer ou pas. Bon, bah rappelle-moi. Pas handicapé, défectueux ou atteint d'une maladie. J'aime être... Il se sentait complet. Le monde avait retrouvé son équilibre. Le docteur Bernard Azeloff a dit que si j'étais sur une île déserte, il faudrait bien que je m'habitue à ma propre compagnie, rien que moi et les noix de coco. Il dit que je serais bien obligé d'accepter, défauts y compris, et qu'on ne choisit pas ses défauts. Ils font partie de nous, et il faut les accepter. On peut, en revanche, choisir ses amis. Et je suis content de t'avoir choisi. Maintenant, je n'ai plus rien d'autre à te raconter. Je t'en prie, écris-moi vite.